Alléluia. Alléluia. The Lord is speaking to the pastors. Le Seigneur parle aux pasteurs. As he speaks to the church. Comme il parle à l'église. He is paying attention to the shepherds. Il prête attention aux bergers. There is no greater message in the church right now. Il n'y a pas de plus grand message dans l'église juste maintenant. Nobody can lie to you right now. Personne ne peut vous éclairer juste maintenant. And tell you et vous dire that, oh, the Lord has sent me. Que, oh, le Seigneur m'a envoyé. If they bring another message. S'ils apportent un autre message. The only message to the church right now. Le seul message pour l'église, juste maintenant, the overruling message, the message that overrules, le rapport de prévalence, le rapport qui prévaut, is the message of prepare the way the Messiah is coming. Et le message de prépare le chemin, le Messie vient. He is saying, il dit, with every blessing I gave you, avec toutes les bénédictions que je vous ai données, that blessing will not be complete. Cette bénédiction ne sera pas complète. If you will miss heaven. Si vous manquez le ciel. If you will go to inferno. Si vous allez en enfer. Then that blessing is nothing. Alors cette bénédiction est rien. And that's why this is the most important turning point in the church. C'est pourquoi c'est le point tournant le plus important dans l'église. Très très important, le plus important point tournant. That the church may begin to prepare the land. Pour que l'église puisse commencer à préparer le pays. Now the Lord is saying. Maintenant le Seigneur dit. That the church. Que l'église. You are still the most important item that heaven is anticipating. Vous êtes encore l'élément le plus important que les cieux ont prévu. That however fallen the church is. Mais malgré que l'église soit tombée. That the Lord is still fighting for the church to be appraised. Le Seigneur lutte encore pour que l'église soit appréciée. He is struggling to elevate the church. Il lutte pour élever l'église. He is exalting the church. Está a exaltar a igreja. And he's telling the church. Et il dit à l'église. That look. Que regarde. The Messiah went to the cross. Le Messie est allé à la croix. And was abused. Et a été abusé. And he was tortured. Et il a été torturé. Less than a dog. Pire qu'un chien. The Messiah was abused and nobody could save the Messiah. Le Messie a été abusé et personne ne pouvait sauver le Messie. And the Lord is saying, look, he resurrected. Et le Seigneur dit, regarde, il est ressuscité. But before he resurrected, mais avant qu'il soit ressuscité, the devil laughed. Le diable a ri. He laughed when the Messiah was abused. Il riait quand le Messie était abusé on the cross. Sur la croix. And the Lord is saying, et le Seigneur dit that if the church will not prepare, que si l'Église ne veut pas se préparer for the coming of the Messiah, pour la venue du Messie, and she will miss the rapture, elle va manquer l'enlèvement. Then the devil will laugh again, a second time. And alors le diable va rire encore une deuxième fois. And so the Lord is saying that your salvation is very critical to heaven. Alors le Seigneur dit que votre salut est très important pour le ciel. That heaven is waiting for the church. Que le ciel attend l'église. That Jesus delivered on the cross. Que Jésus a délivré sur la croix. That salvation, que le salut, deliverance, la délivrance, is not yet complete. N'est pas encore complète. It will only be complete when you finally enter the kingdom of God. Elle sera complète seulement quand vous entrerez dans le royaume de Dieu. So you cannot relax. Alors, vous ne pouvez pas vous relâcher. Let us work. Marchons, travaillons. Much harder. Plus durement. He's saying that the pastor, il dit que les pasteurs, that every time the Lord wants to make a move into the land, que chaque fois que le Seigneur désire amener un changement dans le pays, that the pastor is very key. Les pasteurs sont très à la clé. That every time the Lord wants to make a move, que chaque fois que le Seigneur désire amener un changement, chaque fois que le Seigneur désire faire quelque chose, that the pastor is very central, les pasteurs sont au centre. Because he has given you the key. Parce qu'il vous a donné la clé. You can lock the door, vous pouvez fermer la porte and go with the sheep to hell. Et aller en enfer avec les brebis. But you can open the door, mais vous pouvez ouvrir la porte and the Holy Spirit will enter with the revival, et le Saint-Esprit entrera avec le réveil and you will enter heaven with the sheep. Et vous entrerez au ciel avec les brebis. The next thing you see, the Lord is saying, la chose suivante, voyez-vous, que le Seigneur dit, that you cannot live lower than your calling, et que vous ne pouvez pas vivre plus bas que votre appel. That now the pastors are living lower than the calling. Maintenant, les pasteurs vivent en dessous de leur appel. That you are living much lower than your calling. Vous êtes en train de vivre bien au-dessous de votre appel. And he's saying, et il dit, that your calling is much higher, que votre appel est bien plus haut, higher than even the earthly tabernacle of Moses, plus haut que même le tabernacle terrestre de Moïse. I remember one time I was speaking somewhere, je me souviens une fois que j'étais en train de parler quelque part. Then I told them, ensuite je leur ai dit, that the standard of David, que le standard de David, that David set, que David a mis en place, is much, much lower, est beaucoup, beaucoup plus bas, is too low for me, est trop bas pour moi. Why did I say that? Pourquoi est-ce que j'ai dit ceci? Let me repeat it. Laissez-moi le répéter. The standard of David, the man after God's own heart, le standard de David, l'homme selon le cœur de Dieu, is too low for me, est trop bas pour moi. Why? Pourquoi? Because, parce que, it was a standard full of murder and women. Parce que c'était un standard plein de meurtres et de femmes. And immorality. Et d'immoralité. And yet for you, you live in the dispensation of the Holy Spirit. Et encore pour vous, vous vivez dans la dispensation du Saint-Esprit. The same Holy Spirit that helped Jesus, le même Saint-Esprit qui a aidé Jésus, is available to the church, est à disposition pour l'Église. Now I want to look at the quality of the anointing that the Aaronic garment gave to the priesthood. Alors, je désire voir la qualité de l'onction que le vêtement d'Aaron a donné à la prêtrise. The quality of anointing that the garment gave the priests, la qualité d'onction que le vêtement a donné à la prêtrise, in the Levitical priesthood, dans la prêtrise du Lévitique. So listen, precious people, alors écoutez, précieux peuple, turn with me the book of Exodus, tournez avec moi au livre d'Exode, chapter 30, le chapitre 30, and how about you? Et qu'en est-il de vous? Exodus chapter 30, Exode chapitre 30, I am reading from verse 22. Je lis à partir du verset 22. The title says the sacred anointing oil. Le titre dit l'huile d'onction sacrée. The sacred anointing oil. L'huile d'onction sacrée. And it says from verse 22, Exodus chapter 30. Elle dit du verset 22 du chapitre 30 de l'Exode. It says the Lord said to Moses. Il dit, le Seigneur dit à Moïse. Take the following fine spices. Procure-toi des aromates de première qualité. 500 shekels of liquid myrrh. 500 shekels de myrrhe liquide. Half as much, that is 250 shekels of fragrant cinnamon. La moitié de cela, c'est-à-dire 250 shekels de cinnamone aromatique, de cannelle aromatique. 250 shekels of fragrant cane. 250 shekels de cannelle. And 500 shekels of cassia. Et 500 shekels de casse. All according to the sanctuary shekel. Selon les shekels du sanctuaire. And a hin of olive oil. Et 6 litres d'huile d'olive. Precious pastors. Précieux pasteurs. He says liquid myrrh. Il dit de la myrrhe liquide. Fragrant cinnamon. De la cinnamone aromatique, calamus, which is sweet cane, de la canne douce, calamus, And then he talks about cassia. Ensuite, il parle à propos de casse. And the fifth item is 1 hin of olive oil. Et 6 litres d'huile d'olive. And he's going to use this to prepare a sacred anointing oil. Et il va utiliser ceci pour préparer une huile d'onction sacrée. And he says, et il dit, verse 25, le verset 25, he says, make this into a sacred anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfumer. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. And he says, again, it will be the sacred anointing oil. Et il dit encore, ça sera l'huile d'onction sacrée. Then use it to anoint the tent of the meeting, the ark of the testimony, and the table and all the articles, the lampstand, its accessories, and the altar of incense. Avec cette huile, tu oindras la tente de la rencontre et le coffre de l'acte de l'alliance, la table avec tous ses ustensiles, le chandelier et ses accessoires, l'autel des parfums, the altar of burnt offering and all its utensils, and the basin with its stands. L'autel des holocaustes et tous ses accessoires, ainsi que la cuve avec son socle. You shall consecrate them so they will be most holy, and whatever touches them will be holy. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Tout ce qui les touchera sera saint. And you can see right away, et vous pouvez voir tout de suite, before I begin to unveil this for you, avant que je commence à dévoiler cela pour vous, you can see right away, vous pouvez voir tout de suite, he finishes down there by saying that this will make them most holy. Il finit par dire là en bas que ça va les rendre plus saints. When you use to anoint the utensils and everything for sacrifice, the oil, the sacred anointing oil, will make them most holy. Quand vous l'utilisez pour oindre les ustensiles et toutes choses pour le sacrifice, l'huile sacrée d'onction les rendra plus purs. Oh, I am anointed of the Lord. Oh, I am anointed of the Lord. Oh, je suis oint par le Seigneur. Oh, je suis oint par le Seigneur. But now I see the purpose of the anointing of the Lord. Mais maintenant je vois le but d'être oint par le Seigneur. That anything it touches will be most holy. Toute chose qu'il touche sera plus sainte. So if the anointing of the Lord is upon your life as a pastor, alors si l'onction du Seigneur est sur votre vie comme pasteur, then definitely it must have consecrated you to be most holy unto the Lord. Alors définitivement doit vous avoir consacré à être plus saint devant le Seigneur. And he continues to say, il continue à dire, and he says, anoint Aaron and his sons and consecrate them so they may serve me as priests. Et il dit, tu oindras aussi Aaron et ses fils et tu les consacreras à mon service comme prêtres. Listen to verse 31. Écoutez le verset 31. Say to the Israelites, dis aux Israélites, this is to be my sacred anointing oil for generations to come. Cette huile d'onction sainte sera réservée au Seigneur de génération en génération. Do not pour it on any man's bodies. On n'en répandra sur le corps d'aucun homme. And do not make any oil with the same formula. Et n'en composez aucune autre selon la même formule. It is sacred and you are to consider it sacred. Elle est sacrée et vous avez à la considérer comme sacrée. Whoever makes a perfume like it and whoever puts it on any other man other than a priest must be put to death, must be cut off. Celui qui composera une huile semblable et qui en appliquera sur quelqu'un d'autre qu'un prêtre sera retranché de son peuple, sera mis à mort. Alléluia. Alléluia. Do you see the quality of the anointing? Vous voyez la qualité de l'onction? That when somebody was wearing the Aaronic garment, que lorsque quelqu'un mettait le vêtement d'Aaron, the Levitical priestly garment, le vêtement sacerdotal du Lévitique, look at the quality of anointing that it brought into his life. Regardez la qualité d'onction que ça a amené à sa vie. When somebody was called into the Levitical priesthood, the office of the priest. Quand quelqu'un était appelé au sacerdoce lévitique, à la fonction de prêtre. Let me explain to you something. Laissez-moi vous expliquer quelque chose là. He says first of all, liquid myrrh. Il dit premièrement de la myrrhe liquide. Liquid myrrh is gotten from the myrrh tree, the bark of the myrrh tree. La myrrhe liquide est tirée de l'écorce d'un arbre. They dig the bark, they get the bark, and then they begin to squeeze to get the liquid myrrh. Ils creusent l'écorce et ensuite ils commencent à presser pour avoir la myrrhe liquide. The myrrh plant. Le plant de myrrhe. That myrrh plant. Ce plant de myrrhe. If you follow the first century Israel, si vous suivez le premier siècle en Israël, you find that the myrrh plant was many times used also with pharmaceutical value. Vous trouvez que bien souvent la plante de la myrrhe était utilisée en pharmacie. If you had a wound, si vous aviez une blessure, they put the liquid myrrh. Ils mettaient de la myrrhe liquide. It had a residue of pharmaceutical value. Ça a une valeur pharmaceutique. Which means the ability to kill germs. Ce qui signifie qu'elle peut tuer les germes. Ability to clean germs from the body. L'habilité de tuer les germes du corps. Each of the components of the sacred anointing oil. Tous les composants de l'huile sacrée. Were carefully chosen by Jehovah. Ont été soigneusement choisis par Jéhovah. That they may bring a specific aspect to the anointing oil. Pour qu'il puisse apporter un aspect spécifique à l'huile d'onction. And if you look at the aspects they bring into the sacred anointing oil, et si vous regardez à l'aspect qu'ils ont donné à l'huile d'onction sacrée, it was the foreshadowing of what the Holy Spirit would bring into the priesthood. C'était la préfiguration de ce que le Saint-Esprit apportera à la prêtrise. It was a prediction. C'était une prédiction. Like when Moses put the snake and crucified the snake. Comme lorsque Moïse a mis le serpent et a crucifié le serpent. And anybody that looked at the crucified snake survived. Et tous ceux qui regardaient le serpent crucifié survivaient. He foretold, he was telling about the Messiah will come and will be crucified and those that will look at the cross will be delivered. Il prédisait, il disait que le Messie allait venir et sera crucifié. Et ceux qui regarderont la croix seront délivrés. And so, if you look at the components of the sacred anointing oil, alors si vous regardez aux composants de l'huile sacrée d'onction, every single aspect, every component, chaque simple aspect, chaque composant, was supposed to bring a certain aspect into the sacred anointing oil, était supposé apporter un certain aspect à l'huile sacrée d'onction. And that aspect, if you look at the Holy Spirit, et cet aspect, si vous regardez au Saint-Esprit, it was foretelling, prophesying, that when the Holy Spirit comes, c'était une prédiction, une prophétie. Quand le Saint-Esprit viendra, he will bring this aspect into his anointing. Il va apporter cet aspect à son onction. Yes. So each component is meant to bring a certain aspect. Alors, chaque composant est fait pour apporter un certain aspect. So, if the liquid myrrh was being used to clean up the germs from the wounds. Alors, si la myrrhe liquide était utilisée pour nettoyer les germes des blessures. In other words, to purify, for purification. En d'autres mots, pour purifier, pour la purification. Then you can imagine that the liquid myrrh component of the sacred anointing oil. Alors, vous pouvez imaginer que les composants de la myrrhe liquide, de l'huile sacrée d'onction, was meant essentially to bring purification into the life of the priest. Était faite essentiellement pour amener la purification dans la vie des prêtres. And then if you look at the cinnamon, the fragrant cinnamon, et ensuite, si vous regardez la cinnamone aromatique, to bring fragrance, pour amener un parfum. So when somebody was anointed by the sacred anointing oil, alors, quand quelqu'un était oint par l'huile sacrée d'onction, if somebody was anointed just now here, si quelqu'un était oint juste maintenant, ici, you would smell some fragrance. Vous sentiriez quelques parfums. And so the fragrance that came out of the anointing, Alors, le parfum qui sort de l'onction, as a result of the fragrant cinnamon, par la cinnamone aromatique, it spoke about the fragrance of their lives that the anointing would bring before the Lord. Ça parle du parfum de leur vie que l'onction amènera devant le Seigneur. Now I can see that the quality of the anointing of he that wore the Aaronic garment. Maintenant, je peux voir que la qualité d'onction de celui qui revêt le vêtement aaronique, that first of all that anointing had power to purify him, to clean him from sin. Que premièrement, cette onction avait le pouvoir de le purifier, de le nettoyer du péché. And that's why I see the liquid myrrh. Et c'est pourquoi je vois la myrrhe liquide. And I see that that anointing had the power to make his life a fragrance unto the Father. Et je vois que cette onction avait le pouvoir de faire de sa vie un parfum pour le Seigneur. How about calamus, the cane? Quel en était, qu'en est-il de la calamus, de la canne? The cane is a plant that grows in the marsh, grows in the water. La canne est une plante qui croît dans les marais, dans l'eau. Most of the plants, la plupart des plantes, that grow on water, qui croissent dans l'eau, they go on the surface of the water like this. Elles croissent à la surface de l'eau, comme ceci. They run on the surface of the water. Elles restent à la surface de l'eau. But the cane, mais la canne, is straight, est droite. The water and the cane is straight. L'eau et la canne est droite. What does that stand for? Qu'est-ce que ça signifie? Let me explain to you. Laissez-moi vous l'expliquer. Before they use the cane, avant qu'ils utilisent la canne, to prepare the sacred anointing oil, pour préparer l'huile d'onction sacrée. Make sure you can see yourself in this picture. Assurez-vous de pouvoir vous voir vous-même dans cette image. Before they use the cane, avant qu'ils utilisent la canne, they used to break it. Ils la brisent. The more you break it, the more it gives a fragrance. Plus vous la brisez, plus elle donne de parfum. And when they broke it, then they crushed it. Et quand ils l'ont brisée, ensuite ils l'écrasent. That is when they were able to use it. Alors ils peuvent l'utiliser. And the more you crushed it, et plus vous l'écrasez, the more the powder gave a fragrance. Plus la poudre donne de parfum. Listen to this. Écoutez ceci. The cane essentially represents, la canne représente essentiellement, the pride of man, l'orgueil de l'homme, the pride of the church, l'orgueil de l'église, the pride of the pastors, l'orgueil des pasteurs. Look at this. Regardez ceci. Until that pride was crushed, jusqu'à ce que cet orgueil soit écrasé. I remember Jesus on the cross. Je me souviens Jésus sur la croix. The Bible says in Isaiah, la Bible dit dans Ésaïe, that he was crushed, qu'il a été écrasé. Isaiah 53 verse 5. Ésaïe 53 verset 5. And verse 10. Et le verset 10. And he says, et il dit, and yet it was the will of the Father that he be crushed. Et encore c'était la volonté du Père qu'il soit écrasé. And when Jesus was crushed on the cross, et quand Jésus a été écrasé sur la croix, then he became an acceptable sacrifice to the Father. Alors il est devenu un sacrifice acceptable pour le Père. The more Jesus was crushed on the cross, plus Jésus était écrasé sur la croix, the more he became an acceptable sacrifice to the Father. Plus il est devenu un sacrifice acceptable pour le Père. How about the church today? Qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? I see the pastors walking high-headed. Je vois les pasteurs marchant avec la tête haute. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, until you be crushed like the Messiah, tant que vous n'êtes pas écrasé comme le Messie, you cannot be of use to the Lord. Vous ne pouvez pas être utile au Seigneur. So the cane, alors la canne, the calamus, la calamus, it represented, représente the crushing of the priest, l'écrasement des prêtres. When he came from the world, quand il venait du monde, the liquid myrrh purified him. La myrrhe liquide le purifiait. The fragrant cane gave a fragrance because of the purity. La canne aromatique donnait un parfum à cause de la pureté. But then the cane, mais ensuite, la canne, it spoke about the person who would be crushed, parle à propos des personnes qui seront écrasées. Some of you, ever since you became pastors, quelques-uns d'entre vous, depuis qu'ils sont pasteurs, you are still walking with orgullo, orgullo. Vous êtes êtes encore en train de marcher dans l'orgueil. Orgullo. L'orgueil. And the Lord is saying the hour has come to be crushed. Alors le Seigneur dit, l'heure est venue d'être écrasé. That he may build you anew. Pour qu'il puisse vous construire à nouveau. In conformity with the requirements of God. En conformité aux exigences de Dieu. The pride of man. L'orgueil de l'homme. The pride of man in the priesthood. L'orgueil de l'homme dans le sacerdoce. Is the reason the Lord cannot use the priesthood. Est la raison pour laquelle le Seigneur ne peut pas utiliser le sacerdoce. The Lord wants us to be crushed. Le Seigneur désire que nous soyons écrasés. So that we are on our knees. Comme ça, nous sommes sur nos genoux. And then he will be able to walk with us. Et ensuite, il sera en mesure de marcher avec nous. And then he says, et ensuite, il dit that cassia, cassia, they remove the bark. Alors la casse, ils enlèvent l'écorce. And they crush. Et ils écrasent the bark of the tree. L'écorce de l'arbre. And then they crush. Et ensuite, ils écrasent. Good smell. Une bonne odeur. Fragrance to the Lord. Un parfum pour le Seigneur. And then a hint of olive oil. Et ensuite, 6 litres d'huile d'olive. You know the olive plant. Vous connaissez l'olivier. You know that when you drive from Haifa in Israel, vous savez que quand vous conduisez depuis Haïfa en Israël, and you drive towards Tel Aviv, et que vous conduisez vers Tel Aviv, and you go towards Beersheba, et que vous allez vers Beersheba, you begin to move from a green place to a dry desert. Vous commencez à vous déplacer d'une place verte à un désert sec. And when you move from the green Haifa to the Negev desert, et quand vous conduisez du vert Haïfa au désert du Negev, the vegetation changes. La végétation change. Some plants cannot survive in the desert. Certaines plantes ne survivent pas dans le désert. And you'll see that you'll have more and more of olive plants growing in the desert now. Et vous allez voir que vous aurez de plus en plus d'oliviers croissant dans le désert maintenant. The olive plant has a strong resilience. L'olivier a une forte résilience. If you go to the Mount of Olives, which is a rock, si vous allez au mont des oliviers, qui est un rocher, you will find big trees of the olive plant. Vous trouverez de grands oliviers. Because the olive tree can survive in the harshest of conditions. Parce que l'olivier peut survivre dans une condition ascétique. And that represents the ability, the resilience to survive in harsh conditions. Et ça représente l'habilité, la résilience de survivre dans une condition ascétique. The olive plant, l'olivier, always pushes its roots very, very deep. Fait toujours pousser ses racines très, très profondément. And now it survives on the very deep underground living waters. Et maintenant, il survit dans une eau souterraine vivante très profonde. Listen to me, Pastor. Écoutez-moi, pasteur. It takes a long time for the olive plant to mature. Ça prend longtemps pour un olivier de venir à maturité. And when it gives a fruit, et quand il donne des fruits, it takes a long time for the fruit to mature. Ça prend longtemps aux fruits de venir à maturité. And when the fruit matures, et quand les fruits sont à maturité, it takes a long time for the fruit to ripen. Ça prend beaucoup de temps aux fruits de mûrir. And when the fruit ripens, et quand les fruits sont mûrs, it takes a long time to extract the olive oil. Ça prend beaucoup de temps pour extraire l'huile d'olive. You have to crush it and crush it and crush it. Vous devez l'écraser et l'écraser. So when somebody is anointed here with this sacred anointing oil, alors, quand quelqu'un est oint par cette sacrée huile d'onction, wearing the aaronic garment, revêtant le vêtement aaronique, listen, and the oil is poured, écoutez, et l'huile est versée, the olive oil, l'huile d'olive, brings the flow of the anointing of the Lord, apporte le flux de l'onction du Seigneur, and imparts on him a character, et impacte sur lui un caractère. A character of resistance. Un caractère de résistance. A character of resilience. Un caractère de résilience. A character of endurance. Un caractère d'endurance. But my question to the church is this. Mais ma question à l'église est ceci. These are the aspects that the Holy Spirit brings to the church today. Si c'est l'aspect que le Saint-Esprit apporte à l'église aujourd'hui, then why is it that the church is intolerant to pain? Pourquoi est-ce que l'église ne tolère pas la souffrance? They cannot take pain. Ils ne peuvent pas souffrir. Oh, I love the pastor's fellowship. Oh, j'aime la communion des pasteurs. I love the bishop's fellowship. J'aime la communion des bishops. My sheep love me. Mes brebis m'aiment. The Lord is saying, le Seigneur dit that when you are operating in the anointing of the Holy Spirit, que lorsque vous fonctionnez sous l'onction du Saint-Esprit, even your message will change here. Même votre message va changer ici. You begin to preach righteousness. Vous commencez à prêcher la justice. Repentance. La repentance. Holiness. La sainteté. The kingdom of God. Le royaume de Dieu. Purity. La pureté. Depart from sin. De se détourner du péché. And you preach. Et vous prêchez. And when you preach this message, et quand vous prêchez ce message, the sheep will start getting up and going away. Les brebis vont se lever et partir. They will say, I am going away. Elles vont dire, je pars. And you ask them, where are you going to? Et vous allez leur demander, où est-ce que vous allez? I am going to the other pastor who is your enemy. I'm going to his church. Je m'en vais vers un autre pasteur, votre ennemi, loin de votre église. I'm going to your enemy. Je vais chez votre ennemi. The anointing of the Holy Spirit. L'onction du Saint-Esprit. It will launch you. Ça va vous lancer. It will launch you very deep. Ça va vous lancer très profondément. And you'll be resistant. Et vous allez résister. And you will not compromise with sin. Et vous n'allez pas vous compromettre avec le péché. Even if all the pastors fellowship hate you. Même si toute la communion des pasteurs vous déteste. You will survive alone. Vous allez survivre seul. You will not change the message. Vous ne changerez pas le message. No cambia. Pas de change. The Lord is saying, le Seigneur dit that when you are anointed of the Holy Spirit, que lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit, the anointing of the Holy Spirit, l'onction du Saint-Esprit will make you independent with men. Va vous rendre indépendant des hommes. It will make you dependent on God. Va vous rendre dépendant de Dieu. Only God. De Dieu seul. Today, aujourd'hui, I have come to bring you the truth. Je viens vous apporter la vérité. So I can bring you into the kingdom of God. Alors je peux vous transporter dans le royaume de Dieu. Hey, he says, il dit, the quality of the anointing of somebody wearing the Levitical garment, la qualité d'onction de celui qui porte le vêtement lévitique, was very powerful, était très puissante. That anointing was able to purify the person. Cette onction était en mesure de purifier la personne. The liquid myrrh, la myrrhe liquide. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, that when the Holy Spirit anoints you today, que lorsque le Saint-Esprit vous oint aujourd'hui, he brings to you a spiritual myrrh. Il vous apporte une myrrhe spirituelle. That purifies you. Qui vous purifie. And that when you are anointed of the Holy Spirit as a pastor. Et lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit comme pasteur. You have been purified. Vous avez été purifié. And that's why he tells Moses. Et c'est pourquoi il dit à Moïse. That wash him with water. De le laver dans l'eau. And let him now wear the priestly garment. Yeah. Et qu'il revête ensuite le vêtement sacerdotal. But you have been washed by the Lord. Mais vous avez été lavé par le Seigneur. By his cleansing flow. Par son flux purificateur. And now you are wearing the garment of the Lord. Et maintenant vous êtes vêtu du vêtement du Seigneur. The priestly garment. Le vêtement sacerdotal. Of the order of the Messiah. De l'ordre du Messie. Order of Melchizedek. De l'ordre de Melchisédek. Then he is saying, ensuite il dira, that because you wear like that, parce que tu es habillé comme ça, your message here, ton message ici, is supposed to purify the church, est supposé purifier l'église. Your message here, ton message ici, is supposed to bring fragrance to Jehovah, est supposé apporter un parfum à Jéhovah. Your message here, ton message ici, is supposed to train the Christians, est supposé entraîner les chrétiens, that they can survive in the bitter world, pour qu'ils puissent survivre dans le monde amer. Now, such that if the boss, Maintenant, tel que cela, si le patron, if the boss says, if you continue dressing like that here, I am going to fire you. Si le patron dit, si vous continuez à vous habiller comme ça, je vais vous mettre à la porte. If you continue dressing long like that, si vous continuez de mettre des longues robes comme ça, listen to me, Janet. Écoutez-moi, Janet. I am going to fire you from this company. Je vais te mettre à la porte de cette compagnie. If you continue praying aloud here every lunch hour, si tu continues à prier à haute voix ici à chaque repas de midi, praying loud, priant à haute voix, in this place, en ce lieu, I will fire you from this company. Je vais te mettre à la porte de cette compagnie. The anointing of the Holy Spirit, l'onction du Saint-Esprit, when it comes on you, quand il vient sur vous, if they say like that, s'ils disent comme ceci, the more you will dress like that, plus vous vous vêtirez comme ceci, if they promise to fire you, s'ils promettent de vous mettre à la porte, the more you will pray higher, louder, plus vous prierez fort et à haute voix. Parce que l'huile dans l'onction du Saint-Esprit, the olive oil in the anointing of the Holy Spirit, l'huile d'olive dans l'onction du Saint-Esprit, will be able to launch you very deep into the Lord, sera en mesure de vous lancer très profondément dans le Seigneur. And nothing else matters, et rien d'autre n'aura de l'importance, because we are living in the evil days, parce que nous vivons dans de mauvais jours, and the church has compromised, et l'église s'est compromise. What the Lord is saying here, ce que le Seigneur dit ici, is that he is looking for a church that does not compromise with the world, c'est qu'il cherche une église qui ne s'est pas compromise avec le monde. Con mundo. Avec le monde. That was the quality of the anointing when you wore the garment of Aaron. Ça c'était la qualité de l'onction quand vous revêtiez le vêtement d'Aaron. How much more when you wear the garment of the Lord? Combien plus quand vous revêtez le vêtement du Seigneur? Listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. We know the anointing in the primitive church. Nous connaissons l'onction dans l'église primitive. The anointing of Paul. L'onction de Paul. Paul. Paul. Peter. Pierre. John. Jean. And the Bible says in the book of Haggai chapter 2. Et la Bible dit dans le livre d'Agée chapitre 2. That the latter anointing of this house, que la dernière onction de cette maison, will be higher and greater, sera plus haute et plus grande. But the problem is this. Mais le problème est là. If you look at the church today, si vous regardez à l'église aujourd'hui, the church globally, l'église globalement, you find that the church now has a lower anointing than the primitive church. Vous trouvez que l'église maintenant a une onction inférieure à celle de l'église primitive. And yet the Lord promised a higher, latter anointing, latter. Et encore le Seigneur a promis la plus haute, dernière onction, dernière. Joel chapter 2. Joel chapitre 2. We are not reading that now. Nous ne lisons pas cela maintenant. Verse 28 to 32. Les versets 28 à 32. He talks about the flow of the latter anointing. Il a parlé à propos du flux de la dernière onction. Isaiah chapter 26. Ésaïe chapitre 26. Verse 19 to verse 21. Les versets 19 à 21. He says, il dit that there will be a morning dew before the rapture. Qu'il y aura une rosée du matin avant l'enlèvement. Isaiah 26 promises that there will be a morning dew before the rapture, before the Messiah comes. Ésaïe 26 promet qu'il y aura une rosée du matin avant l'enlèvement, avant que le Messie vienne. Isaiah 26. Ésaïe 26. Where he describes the rapture of the dead. Où il a décrit l'enlèvement des morts. Verse 19 to verse 21. Les versets 19 à 21. Mais tes morts revivront, les cadavres de ceux qui m'appartiennent reviendront à la vie. Oui, vous qui demeurez dans la poussière, réveillez-vous, poussez des cris de joie, car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre rendra les trépassés. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, sur toi, ferme la porte, cache-toi un instant, le temps que passe la colère. Car l'Éternel va sortir de sa résidence pour faire payer leurs péchés aux habitants du monde. Et ce jour-là, la terre mettra à jour le sang versé sur elle et ne cachera plus les victimes qu'elle dissimulait. Isaiah is describing events before the rapture. Ésaïe décrit les événements avant l'enlèvement. And among the events he describes is the morning dew. Et parmi les événements qu'il décrit, il y a la rosée du matin, en français la rosée de lumière. That is the latter anointing of this hour. C'est la dernière onction de cette heure. And Isaiah says, et Esaïe dit that latter anointing when it comes, que cette dernière onction, quand elle vient, he brings joy unspeakable to the church. Elle apporte une joie indescriptible à l'église. Because he says, shout for joy. Parce qu'il dit, crie de joie. In Kenya, the church has joy right now. Au Kenya, l'église est dans la joie, juste maintenant. Because everybody now is beginning to respect the church. Parce que tout le monde maintenant commence à respecter l'église. When HIV is healed in the church, quand le sida est guéri dans l'église, and the government doctors are coming with patients, et les docteurs du gouvernement viennent avec les patients, the senior directors of medical services, le principal parmi les directeurs des services médicaux, and they are coming, they're saying, you see, this person was my patient. Et ils viennent disant, vous voyez, cette personne était mon patient. But after the meeting, he has turned negative now. Mais après le rassemblement, il est maintenant négatif. And we have tested using all methods in the world. Et nous l'avons testé en utilisant toutes les méthodes du monde. We have stopped medication now. Nous avons arrêté les médicaments maintenant. We have sent blood to South Africa. On a envoyé du sang en Afrique du Sud. And South Africa said that person has been healed. Et l'Afrique du Sud a dit, cette personne a été guérie. We have sent blood to all the universities in Kenya. Nous avons envoyé du sang dans toutes les universités du Kenya. And so the doctors come. Et alors, les docteurs viennent. And they tell me, et ils me disent, men of God, homme de Dieu, I want to receive the Jesus you preach. Je désire recevoir le Jésus que vous prêchez. Alléluia. Alléluia. That is a moment of joy for the church. Ça c'est un moment de joie pour l'église. Because the Lord has raised the church now. Parce que le Seigneur a élevé l'église maintenant. Using the latter anointing. Utilisant la dernière onction. The cripples are walking. Les infirmes marchent. Including the crippled Muslims. Les infirmes musulmans inclus. And the Muslims are receiving Christ. Et les musulmans reçoivent Christ. That is a moment of joy. Ça, c'est un moment de joie. Because the Lord has raised the church. Parce que le Seigneur a élevé l'église. Above all the other religions. Au-dessus de toutes les autres religions. And that's why Isaiah says, et c'est pourquoi Esaïe dit, the morning dew before the rapture, la rosée du matin avant l'enlèvement brings joy to the church. Apporte de la joie à l'église. Makes the church very happy. Rend l'église très heureuse. Because it restores the church. Parce que ça restaure l'église. Restores the honor of the church. Restaure l'honneur de l'église. Restores the authority of the church. Restaure l'autorité de l'église. And then he says, et ensuite il dit that morning dew, que cette rosée du matin, when somebody was killed, quand quelqu'un a été tué, or blood flowed here, ou que le sang a coulé ici, that morning dew exposes it. Cette rosée du matin l'expose. It exposes any blood ever shed here. Elle expose tout sang qui a jamais été versé ici. What is the message then? Quel est le message ensuite? The Lord is saying, le Seigneur dit that the morning dew is for revival. Que la rosée du matin est pour le renouveau. Exposing sin, exposant les péchés, and ignite the revival of repentance. Yes. Et suscitant le renouveau de la repentance. And when the nation begins to revive by repenting, et quand la nation commence à se renouveler en se repentant, then the nation is preparing the way of the Lord. Alors la nation prépare le chemin du Seigneur. Only repentance. Dans la repentance. But listen. Mais écoutez. Il dit that the morning dew is also a warning shot. Que la rosée du matin est aussi un coup de semence. A warning, warning to the church. Un avertissement à l'église. Because he says, parce qu'il dit, enter your room, entre dans ta chambre, and shut the door, et ferme la porte, for a little while, pour quelques instants. 7 years, we know that. For 7 years. 7 ans, nous savons cela. 7 ans. Shut the door for 7 years. Ferme la porte pour 7 ans. And then they will come with the Lord to Jerusalem. Et ensuite, ils vont venir avec le Seigneur à Jérusalem. To rule with the Lord for 1 millennium, 1,000 years. Pour régner avec le Seigneur pour 1 millénium, 1,000 ans. Now listen to me. Maintenant, écoutez-moi. In the book of Matthew, chapter 24, verse 36. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36, he says, il dit, nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Even the angels, even the Messiah. Même les anges, même le Messie. And he says, et il dit, like it was during the time of Noah. Comme il en était du temps de Noé. So will it be at the coming of the Messiah. Ainsi, il en sera à la venue du Messie. But when you go to Genesis chapter 7 verse 16. Mais lorsque vous allez à Genèse chapitre 7 verset 16. Genesis chapter 7 verse 16. Genèse chapitre 7 verset 16. Listen to what he says. Écoutez ce qu'il dit. That the animals coming in. Que les animaux qui entraient. Were male and female. Étaient mâles et femelles. Of every creation. De toute la création. And then he finishes by saying. Et ensuite, il finit par dire. And then Señor cerró la puerta. Et ensuite, le Seigneur ferma la porte. And then the Lord shut the door. Et ensuite, le Seigneur a fermé la porte. And Isaiah saw the door being shut. Et Ésaïe a vu la porte fermée. That means the Lord has sent me here today. Ça signifie que le Seigneur m'a envoyé ici aujourd'hui to announce to the church pour annoncer à l'Église that the door is going to shut. Que la porte va se fermer. The door is going to shut. La porte va se fermer. Like it was during the time of Noah, comme il en était du temps de Noé, when the Lord shut the door. Quand le Seigneur a fermé la porte, so will it be at the coming of the Messiah. De même, il en sera à la venue du Messie. Precious people, précieux peuple, this is urgent message. C'est un message urgent. You need to prepare the churches you pastor. Vous avez besoin de préparer les églises, vous les pasteurs. You need to begin first of all by rebuking sin. Vous avez besoin de commencer premièrement en réprimandant le péché. You need to ask God, say, Lord, show me what is sin. I want to rebuke it. Vous avez besoin de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui est péché. Je désire réprimander le péché. And when you do so, et quand vous faites cela, revival will begin. Le renouveau va commencer. Because like Isaiah speaks here, parce que, comme Ésaïe parle ici, you see that the end time revival, vous voyez que le réveil de la fin des temps belongs to the Lord. Appartient au Seigneur. It is the revival for the coming of the Messiah. C'est le réveil de la venue du Messie. That is a beautiful revival. C'est un beau réveil. Listen to me. Écoutez-moi. There was a revival that began in Oklahoma. Il y avait un réveil qui a commencé à Oklahoma. In Tulsa. À Tulsa. That revival soon died. Ce réveil est vite mort. It changed into the revival of money. Ça s'est transformé en renouveau de l'argent. Revival of money. Un réveil d'argent. They began to say, you can go touch it, claim it, believe it, take it. Ils ont commencé à dire, vous pouvez aller le toucher, le proclamer, le croire, le prendre. That revival died. Ce réveil est mort. Only holiness can sustain revival. Seule la sainteté peut prolonger le réveil. So if the Lord starts revival here, alors si le Seigneur commence un réveil ici, make sure that you sustain it with holiness. Assurez-vous de le prolonger avec la sainteté. Otherwise it will die. Sinon il va mourir. And you will go to inferno. Et vous irez en enfer. I have seen the clock of God. J'ai vu l'horloge de Dieu. The Lord opened heaven and showed me the clock in heaven. Le Seigneur a ouvert les cieux et m'a montré l'horloge dans les cieux. And when I looked, I saw that it's 11:59 p.m. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était 11h59 du soir. And that was on the 3rd of May 2007. Et c'était le 3 mai 2007. You can imagine how many seconds are left. Vous pouvez imaginer combien il reste de secondes. The 3rd of May 2007. Le 3 mai 2007. He opened heaven and showed me the clock. Il a ouvert les cieux et m'a montré l'horloge. The clock in heaven is 1 minute to midnight. L'horloge des cieux est 1 minute avant minuit. How many seconds are left? Combien de secondes reste-t-il? Nobody knows the hour. Personne ne connaît l'heure. Nobody knows the day. Personne ne connaît le jour. But the message we understand. Mais le message que nous comprenons. The message says. Le message dit. The time is over. Le temps est passé. And that's why when you continue watching your TBN, whatever, I don't know which TV you watch. Et c'est pourquoi quand vous continuez à regarder TBN, quoi que ce soit, je ne sais pas quelle TV vous regardez. The Christian television that you watch. La télévision chrétienne que vous regardez. That one is something else. Celle-ci, c'est quelque chose d'autre. That is autre cosa. Celle-ci, c'est quelque chose d'autre. I am talking about the entry of the church into the kingdom of God. Je parle à propos de l'entrée de l'église dans le royaume de Dieu. In your Christian television, à votre télévision chrétienne, they are doing a business. Ils font des affaires. They are selling to clients. Ils vendent aux clients. And they are entertaining clients. Ils divertissent les clients. But since I came here today, mais depuis que je suis venu ici aujourd'hui, have I really entertained any client here? Est-ce que j'ai diverti des clients ici? I have spoken about the kingdom of God. J'ai parlé à propos du royaume de Dieu. And that's why I'm saying the universal church, the whatever churches, I don't know what they preach there. C'est pourquoi je dis l'église universelle, quelle que soit l'église, je ne sais pas ce qu'ils prêchent là. But what I can say is this. Mais ce que je peux dire est ceci. Let us prepare the narrow road. Préparons la route étroite. The narrow road. La route étroite. And I gave you the example of the narrow road here. Et je vous ai donné l'exemple de la route étroite ici. I said in the narrow road there is liquid milk. J'ai dit que sur la route étroite, il y a de la myrrhe liquide. That liquid milk purifies you. Que cette myrrhe liquide vous purifie. When you have a wound. Quand vous avez une blessure. And you put myrrhe. Et que vous mettez de la myrrhe. Vous dites, oh! It stings. Ça brûle. In the book of Jeremiah, dans le livre de Jérémie. He says, il dit. They dress the wound of my people as though it were not serious. Ils pansent les blessures de mon peuple comme si ça n'était pas sérieux. That is Jeremiah. Ça c'est Jérémie. Chapter 6, verse 13 and 14. Chapitre 6, versets 13 et 14. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. That is very powerful. In Portuguese, it's very powerful. Ça, c'est très puissant. En portugais, c'est très puissant. He said, cura superficialmente. Il dit, guérir superficiellement. Which means when it's a deep wound, ce qui signifie que quand il a dit, profonde blessure, superficially, he just covers. Superficiellement, il couvre seulement. With a bandage. Avec un bandage. And yet the Lord wants me to do a deep surgery. Et encore le Seigneur désire que je fasse une profonde opération. And remove the rot. Et enlève la pourriture. And inject antibiotic. Et que j'injecte un antibiotique. Myrrhe. De la myrrhe. And it will sting with pain. Et ça va brûler et faire mal. And then it will cure from inside. Et ensuite, ça va guérir de l'intérieur. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That if you love the church, que si vous aimez l'église, then you need to tell them the truth. Alors vous avez besoin de leur dire la vérité. Only the truth will set you free. Seule la vérité va vous rendre libre. This is the hour to preach the blood and the cross. C'est l'heure de prêcher le sang et la croix. The book of 1 Samuel, le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapter 2, verse 26. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. 1 Samuel chapter 2. 1 Samuel chapitre 2. Verse 26. Le verset 26. Le jeune Samuel continuait à croître en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. The book of Luke chapter 2 verse 52. L'évangile de Luc chapitre 2 verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Are you seeing the kind of priesthood the Lord is asking you to be? Est-ce que vous voyez la sorte de sacerdoce que le Seigneur vous demande d'être? Samuel, when Eli the priest was in corruption. Quand Eli le prêtre était dans la corruption. When the sons of Eli were taking some girls from the door and sleeping with. Quand les fils d'Eli prenaient des filles à la porte et dormaient avec elles. And when Eli's servants were going, they were getting the meat from the cauldron and they, no, give it to me, no, give it by force. Et quand les serviteurs d'Eli allaient, ils prenaient la viande du chaudron et disaient, non, donne-la-moi, par force. They were taking the glory of the Lord. Ils prennent la gloire du Seigneur. At that time, en ce temps, the Bible says, la Bible dit that Eli, who was old and losing vision, qu'Eli était vieux et qu'il perdait la vue. He was lying in the same, in his usual place. Il était couché à sa place habituelle. Yes, usual place. À sa place habituelle. And the Bible says, et la Bible dit, but Samuel, a young boy, mais Samuel, un jeune garçon, was ministering before the Lord, servait devant le Seigneur, a little boy, un petit garçon, wearing a linen ephod, linen, qui avait revêtu un ephod de lin, lino finissimo, du lin très fin, as Eli was doing corruption, comme Eli était dans la corruption, outside there, là dehors, Samuel, a little boy, Samuel, un petit garçon, every year, chaque année, his mother brought him a new linen ephod. Sa mère lui apportait un nouvel ephod en lin. And he was ministering before the Lord. Et il servait devant le Seigneur. And the Bible says, et la Bible dit, and Samuel was sleeping next to the Ark of the Covenant. Et Samuel dormait près de l'Arche de l'Alliance. He was lying there. Il était couché là. And the lamp of God had not gone off. Et la lampe de Dieu n'était pas éteinte. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? That means Samuel was tending the lamp of God. Que Samuel entretenait la lampe de Dieu. He was checking if the oil is reducing, he paused. Il regardait si l'huile diminuait, il remplissait. Leviticus 24. Lévitique 24. And that is the calling of the priest. Et ça c'est l'appel du prêtre. The God we serve is a God of light. Le Dieu que nous servons est un Dieu de lumière. And he does not like darkness. Et il n'aime pas les ténèbres. And when the evening comes, et quand le soir vient, he told Moses, il a dit à Moïse, tell the Israelites, dit aux Israélites, to bring oil, d'apporter de l'huile, that Aaron may tend the lamp, pour qu'Aaron puisse entretenir la lampe. Samuel was tending the lamp. Samuel entretenait la lampe. Next to the Ark of the Covenant, Ark del Pacto. Près de l'Arche de l'Alliance. And yet Eli was lying out there. Et encore, Eli était couché en dehors. Two priesthoods. Deux sacerdoces. In one scripture. En un texte. The Lord is telling you today. Le Seigneur vous dit aujourd'hui. That this is the hour to raise forth the new priesthood. Que c'est l'heure d'élever la nouvelle prêtrise, d'élever le nouveau sacerdoce. The priesthood that will grow in stature, in favor with God and with man. Le sacerdoce qui va croître en stature et en faveur devant Dieu et devant les hommes. You can see the scripture in 1 Samuel. Vous pouvez voir le texte dans 1 Samuel. Chapter 2, verse 26. Le chapitre 2, verset 26. And Luke chapter 2, verse 52. Et Luc chapitre 2, verset 52. The image of the Messiah. L'image du Messie. The Lord is asking that there be a priesthood in this land. Le Seigneur demande qu'il y ait une prêtrise dans ce pays. That wears the image of Christ. Qui revête l'image de Christ. And prepares a holy church for Christ. Et qui prépare la sainte église pour Christ. Cover them with righteousness. Les couvrir de justice. That is the garment of the Lord. Ça c'est le vêtement du Seigneur. Don't cover them with the things of the world. Ne les couvrez pas de choses du monde. The Bible says, la Bible dit, seek ye first the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. And his righteousness. Yes. Et sa justice. And everything else. Et toute autre chose will be added unto you. Vous seront ajoutés. I have seen the Messiah coming. J'ai vu le Messie venir. Prepare the way. Préparez le chemin. Shalom. Shalom.